ou sur la même fréquence. Au corps à corps, ils se disputent les faveurs de ma confiance. Je ne suis pas schizophrène ou pas plus que la moyenne. J'ai juste en moi deux consciences différentes et mitoyennes. Y a l'incessible diminutif de mon prénom, rarement entouré d'équipe et l'esprit qui tourne en rond. Peu à l'aise quand il s'agit de s'affirmer. Le prisme de mes cicatrices offre une vision déformée. Je suis fort, mais ça, peu de gens le pensent et peu nombreux restent ceux qui ne font pas la différence. Même moi, parfois, j'ai du mal à me cerner. J'inflige des souffrances dont l'issue est fermée. Skip, c'est notre cas. Le chauffe sur les ailes qui fait danser sur scène. Voyez les demoiselles, écoute, écoute, Skype. Il a plus d'assurance, plus de prestance et en plus un son qui transcende l'essence sans doute. Mais au quotidien, c'est pas la même qui fait le tri du mal du bien parmi les gens que j'aime bien. Une précision, c'est jamais exclusif, c'est leur addition qui me rend froid ou explosif. Tout ça laisse des traces qui ne s'effacent pas au blanco. Quand l'un me tire par le bras, l'autre est sur mon dos. J'ai deux vies, deux univers bien distincts. Y'a six pesquilles, ces deux êtres qui n'en font qu'un. J'ai deux profils, de famille et de l'ardeur. D'un côté je suis Jekyll et de l'autre du Kruger. J'ai deux histoires, deux issues contradictoires, des trajectoires contraires et pourtant complémentaires. Controversées, si l'un se déchire, c'est l'autre qui ressoude les morceaux. J'ai deux avenirs, deux navires sur les flots du rap. Ma vie a changé de cap, pas dans mes actes quotidiens, mais dans mon sac moins de crachin. Plus d'indulgence, depuis que j'ai planche sur l'existence, depuis que j'étanche ma sorte d'orphans sur ces pages planches. En grammes et en kilos, il faut mesurer la distance entre les deux. Je sais vers qui mon cœur balance. J'ai ce besoin de me ressourcer dans le silence, être seul face au reflet de mes dissonances. A contrario, c'est ta outrance que j'aime me sentir en troupeau et sur les planches. J'ai donc deux tranches de vie, une narice et une rance. Cette sensation, ça sent le roussi et cette médecine sans ordonnance. Je suis de part et d'autre d'un fossé qui ne cesse de se creuser. Entre l'instinct et la raison, le sol se dérobe sous mes pieds. J'ai deux vies, deux univers bien distincts. Y'a Olive et Zid, ces deux êtres qui n'en font qu'un. Y'a Olive et Zid, ces deux êtres qui n'en font qu'un. À leurs yeux, je ne suis qu'un vil personnage. Un pète au casque à la dégaine d'un jeune loin de faire son âge. Une bête sauvage de plus qui grogne qu'un ghettogramme. Un vrai tocard, un cliché incarnant l'esprit trop rétrograde. Je ne suis que divers, ce mec raisonnable. Mes propos sont trop vagues et vous donnent cette impression là. Je suis la face cachée des mines, son ego, son confessionnal. Sa ligne de conduite et sa médecine quand il se sent si mal. Né dans sa tourmente, je suis son premier rival. Quand tout remonte à la surface, je suis la rancœur qu'il ravale. Le fruit de sa cavale, la fraîcheur de sa savane. Tout ça pour dire que je suis son côté positif quand il a le bag à la. Je suis lui à travers ces paragraphes. Derrière cette carapace, je suis celui qui se carapate. Jeune, ambitieux et parfois trop instable. Je vis un quotidien banal où la chance n'a pas sa place. C'est juste un face à face, une sorte de bataille menée pas à pas. La fusion d'un personnage puis d'un petit jeune d'une classe à part. J'ai mon monde parallèle, mes paramètres, mon sale caractère, mes pensées et ma façon d'agir qui ne sont pas les mêmes. J'ai deux vies, deux univers bien distincts. Bien divers et un mine, ces deux êtres qui n'en font qu'un. Ces deux êtres qui n'en font qu'un. Mais une pierre de plus au clan d'instinct. Thank you.